Tout semble paisible. On entend seulement un pivert qui donne des coups de bec contre l'écorce d'un arbre. Les deux copains s'enfoncent de plus en plus dans la forêt. « Regarde, un sentier, » dit Sébastien. « On le prend ?»« Je n'en peux plus, » répond Julien. « Seulement jusqu'au virage là-bas, et puis on rentre. Promis. » Les garçons ne découvrent rien de suspect. Soudain, le cri strident d'un jet déchire le silence. Qu'est-ce qui a pu le faire s'envoler comme ça? Qu'est-ce qui lui a fait peur? Qu'est-ce qu'on entend derrière eux? Ce ne sont pas des pas qui se rapprochent? Les deux amis sont pétrifiés. Le meurtrier est sûrement derrière eux et il va certainement frapper. Et tout de suite, au secours! S'écrie Sébastien. Et après quelques secondes de tension extrême, les deux jeunes prennent la fuite. Et ils courent de plus en plus vite. Hé, qu'est-ce que vous avez? Je vous ai fait peur. Sébastien ose se retourner et voit le visage aimable d'un jeune homme qui porte une petite corbeille. Vous cherchez aussi des myrtilles? Là-bas, dans la clairière, il y en a plein. Vous voulez goûter? Non, merci, refuse Julien poliment. En ce moment, il n'a pas du tout envie de goûter à des myrtilles. Alors, bonne journée et salut, dit le jeune homme et il continue son chemin. Julien est encore visiblement choqué par cette rencontre. Il nous a fait une belle peur. Imagine-toi, s'il avait vraiment été l'homme avec le sac en plastique noir. Le meurtrier ne va certainement pas dans la forêt en plein jour. Viens, on continue encore un petit peu, jusqu'au parking là-bas. Qu'on est bête ! S'exclame Julien et il se frappe la tête de la main. Sur le mouchoir, il y a des taches de sang. Tu comprends pas ? Sébastien interroge Julien du regard. On peut faire une analyse génétique pour découvrir le meurtrier. Génial ! Répond Sébastien. Vite, rentrons !